les jaloux, arrêtez d'ouvrir votre gueule. Sinon je pince, veulent avec le Mac ou bosseur. Dans tous les cas, ça va faire mal, mal comme un animal qui a pas mangé depuis 3 siècles. Il y a une part du gâteau, il y a trop de monde devant l'assiette. Dès que je sors, les jaloux font l'assiette. Ils ont compris un proverbe: quand les yeux sont fermés, les oreilles restent toujours ouvertes. Quand le respect s'est fermé, y'a plus rien par des niques ta mère. Qui leur plus rien à perdre à part m'enfermer, frère. Là où y'a des cartes de pique, les stars je les pique, les cartes je les écarte, je les nique. La vie c'est pas un jeu si tu crois ça. Stop ta PS3 et stop PCG. Je t'emmène dans un monde que l'être humain et l'homme essayent de marcher droit. On est tous différents avec des caractères différents, mais on a les mêmes douleurs, on a les mêmes peurs. Quand on a mal au cœur, on supporte tous les mêmes pleurs. Quand on voit la maman en deuil, on préfère mourir que voir cela. C'est vraiment difficile ça. Les parents c'est la plus belle liberté. Ma liberté de parole, jamais j'acquitterai. Ma vie imbrolique et j'ouvre la bouche et des voix qui surgissent. Je patiente comme t'allumes un incendie. Il me faut du temps pour que je grandisse. Les jaloux sur mes musiques me font pas qu'on m'en dise. La rue m'attire, la vodka je tease. Les bras je tire, les faux MC j'assassine. Avec des rimes sensibles, ici maintenant. Il faut aussi un bac pour taffer à l'usine. J'hallucine, je passerai pas le bac pour te mettre une claque. Si tu rimes sur mes amis ou sur ma mif, on baisse les factures, on fait des fractures. Avec le canif planqué sur le costume, on n'est pas Pierrot, on respire le bitume. Pour voler sur la lune, on n'est pas Colombo, on fait des enquêtes, tout ça qui vend mes frères qui font du shit. On est tous différents avec des caractères différents, mais on a les mêmes douleurs, on a les mêmes peurs. Quand on a mal au cœur, on supporte tous les mêmes pleurs. Quand on voit la maman en deuil, on préfère mourir que voir cela. C'est vraiment difficile ça. Les parents c'est la plus belle liberté. Ma liberté de parole, jamais j'acquitterai.